Section 57 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e, Formation des grands États, 1270-1492. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 13, première partie, Bohême, la révolution hussite, suite, par Ernest Denis. Jean Hus. Parmi les maîtres qui prirent parti pour Wycliffe, les plus remarquables étaient Jérôme de Prague, qui avait passé quelque temps à Oxford, et Jean de Usinay, ou Jean Hus, né à Usinay en 1369, à quelque distance de Prachatice, non loin de la frontière ethnographique des Tchèques et des Allemands, Hus était arrivé rapidement aux plus hautes dignités universitaires. Instruit, de mœurs graves et pures, prêt à tout sacrifier pour ses convictions, plein de prières, de veilles, de jeûnes et d'abstinence, il avait été nommé en 1412 prédicateur de Bethléem. Son éloquence, la dignité de sa vie, l'ardeur de sa foi lui avaient gagné rapidement la confiance de ses auditeurs. L'archevêque l'aimait et la reine l'avait choisi pour confesseur. Écrivain remarquable, il est le véritable créateur du tchèque, il fixa les règles d'une orthographe rationnelle, constitua la langue littéraire indépendante des différences de dialecte. Ce n'était pas un penseur éminent, et sa théologie n'est ni fort originale ni toujours très logique. Cela même accrut son influence. La grande masse des bohèmes n'entendait pas se séparer de la papauté, et elle n'aurait pas suivi un hérétique obstiné. Les circonstances, plus que sa volonté consciente, le mirent en lutte avec Rome. Et son caractère, plus que sa science, fit de lui le chef du parti réformateur. Il prétendit toujours ne pas se séparer de l'Église et il ne désira ni ne prévit la révolution qu'il déchaîna. Il n'en est pas moins vrai qu'avec lui, sinon par lui, une période nouvelle commence dans l'histoire du monde. L'unité catholique, rompue, ne sera plus jamais restaurée. En refusant de se soumettre à la décision d'un concile œcuménique, Hus proclame un principe nouveau, le droit de la conscience individuelle, la liberté de penser. Ses protestations d'humilité ne prévalurent pas contre l'exemple qu'il avait donné. Cosmopolite et universelle, puisqu'elle forme le premier acte du procès engagé entre Rome et la conscience humaine, la révolution hussite resta cependant profondément nationale, et c'est pour cela qu'elle suscita tant d'enthousiasme et de dévouement. Religieuse dans son origine, dans son but et dans son caractère dominant, elle atteint la vie tout entière du peuple. Elle s'accroît de toutes les passions qui se meuvent alors en Bohême et emporte dans son flot bien des courants particuliers. Aux idées de régénération chrétienne viennent s'ajouter d'abord les rancunes de race, puis les intérêts politiques. Si les nobles y voient l'occasion d'agrandir leur domaine aux dépens des terres d'église et d'étendre leurs privilèges, les paysans, opprimés et irrités de vexations d'autant plus odieuses qu'elles sont contraires aux chartes et aux lois, saluent dans le rétablissement de l'Évangile, le retour au régime de liberté et d'égalité. Comme dans toutes les grandes levées, les bataillons qui suivent le prédicateur de Bethléem interprètent sa devise de façon fort différente. Et ces divergences expliquent les luttes furieuses qui mettront aux prises les insurgés. Mais cette confusion même les rendra invincibles vis-à-vis des étrangers, parce que chacun croit trouver dans la victoire la satisfaction de ses désirs les plus intenses et de ses colères les plus anciennes. Victoire des Tchèques à l'université. Le combat décisif s'engagea à l'université. Depuis longtemps, les Tchèques étaient mécontents de la situation subordonnée que leur avait faite la charte de fondation. En 1409, une occasion se présenta pour eux d'écarter cette humiliation. Les cardinaux de Rome et d'Avignon s'étaient entendus pour convoquer à Pise un concile général qui mettrait fin au schisme. Avant d'élire un pape accepté par toute la chrétienté, il fallait décider les souverains à abandonner Benoît XIII et Grégoire XII. Wenceslav n'avait aucune raison de garder une fidélité obstinée à Grégoire XII, qui soutenait Robert le Palatin, et les délégués de l'Université de Paris n'eurent pas grand-peine à le gagner à la neutralité. Quand il demanda à l'Université de Prague une déclaration dans ce sens, les maîtres allemands refusèrent de se séparer de Grégoire. Huss, dont le crédit était grand à la cour, obtint alors du roi un décret qui modifiait radicalement la charte de Charles IV. À l'avenir, dans les élections et les votes, la nation tchèque disposerait de 3 voix. Les 3 nations étrangères réunies n'en auraient plus qu'une seule. Les Allemands protestèrent et comme Wenceslav refusa de revenir sur sa décision, ils quittèrent la ville. En un seul jour, à ce qu'on raconte, 2000 étudiants et professeurs partirent de Prague, 5000 personnes en tout s'obstinèrent dans leur résistance et se dispersèrent dans les écoles voisines, à Leipzig surtout, dont l'université doit son origine à cet exode. Les Bohèmes, disait Huss, doivent être les premiers dans le royaume de Bohême, comme les Français dans le royaume de France ou les Allemands en Allemagne. Les lois, la volonté divine, l'instinct naturel ordonnent qu'ils occupent les premières places. Le parti réformateur et national tchèque était dans l'ivresse de son triomphe. Le concile de Pise avait élu pape Alexandre V. Une ère nouvelle semblait s'ouvrir, les abus seraient supprimés, l'évangile rétabli dans sa pureté. Ces illusions ne durèrent guère. Grégoire XII et Benoît XIII n'acceptèrent pas leur défaite. Au lieu de 2 papes, on en eut 3. Aigris par leur déception, les Tchèques revinrent à la charge avec plus d'âpreté que jamais. Ils étaient maîtres de l'université, mais leur victoire les découvrait, en les mettant directement en face de l'autorité ecclésiastique, et bientôt de l'Église entière réunie à Constance. Lutte de Huss et de l'autorité ecclésiastique. L'archevêché de Prague était occupé pendant cette période par des titulaires assez médiocres, que leurs études antérieures avaient fort mal préparé à leurs fonctions et dont les tergiversations et les incertitudes contribuèrent à aggraver le conflit engagé. À plusieurs reprises, les écrits de Wycliffe avaient été condamnés. Huss se refusa à accepter cette condamnation et il fut excommunié d'abord par l'archevêque, 1410, puis par le pape lui-même, 1412. Comme il arrive d'habitude, à mesure que la lutte se prolongeait, les adversaires s'enfonçaient toujours plus avant dans leurs opinions et les exagéraient. Huss, bien qu'il déclarât dans toute la pureté de son âme qu'il ne se séparait de la papauté sur aucun point de dogme, acceptait 2 des plus fécondes propositions de Wycliffe. Il n'y a d'autre loi que Christ, d'autres règles de la foi que la Bible. L'Église ne se compose pas seulement du pape, des évêques et des prêtres, mais de tous ceux qui se réclament du Christ et méritent sa grâce. Sans doute, ces affirmations n'étaient pas en contradiction directe avec la croyance catholique, mais elles ouvraient la voie aux plus graves revendications. Et d'ailleurs, en prenant le peuple à témoin de sa foi, Huss lui reconnaissait le droit de trancher les questions religieuses et rompait la barrière qui séparait les laïcs des clercs. D'autre part, ses déclamations sur la corruption du clergé et sur ses richesses avivaient les secrètes convoitises des nobles. Et en affirmant que les seigneurs ecclésiastiques ou laïcs n'exercent légitimement leur autorité qu'autant qu'ils ne sont pas en état de péché mortel, il flattait les aspirations démocratiques qui fermentaient sourdement. Peu à peu, l'émotion passait de l'université dans la rue. Les prêtres qui respectaient l'interdit prononcé contre Huss étaient menacés ou frappés. Les murs étaient couverts de placards injurieux pour le pape. Les rues retentissaient de chansons satiriques contre l'archevêque. Rien n'était encore irréparable quand une imprudence de Jean XXIII amena de nouveaux et plus graves désordres. Menacé dans Rome par Ladislas de Naples, qui était resté fidèle à Grégoire XII, Jean l'excommunia, prêcha une croisade contre lui et promit des indulgences à tous ceux qui apporteraient au Saint-Siège le secours de leurs bras ou de leurs bourses. Le doyen de Passau, chargé de la ferme des indulgences en Bohême, lança l'affaire avec plus d'habileté que de discrétion. Le royaume fut sillonné par des prédicateurs qu'annonçait le son du tambour. Huss, dans une discussion publique, s'éleva contre ces manœuvres impies. « Dieu seul, et non le pape, disait-il, remet les péchés. » Jérôme de Prague, son principal auxiliaire, enthousiaste et emporté, organisa une grande procession satirique. Quelques centaines d'étudiants escortaient un char rempli de bulles pontificales. Debout sur le char, un étudiant déguisé en courtisane portait attaché sur sa poitrine la lettre de Jean XXIII. D'autres étudiants, costumés en huissiers, criaient à tue-tête qu'on allait brûler la missive d'un hérétique et d'un coquin. Après que la procession eut fait le tour du palais archiépiscopal, les bulles furent brûlées sur le marché de la nouvelle ville. Venceslav avait jusque-là soutenu l'archevêque avec une extrême mollesse. Il jugea cette fois la plaisanterie un peu forte, et pour calmer le pape, il menaça de mort tous ceux qui oseraient attaquer la curie. Trois jeunes gens, qui avaient interrompu dans les églises les vendeurs d'indulgences, furent en effet exécutés. 1412. Mais ces rigueurs passagères exaspérèrent les passions sans effrayer les novateurs. Venceslav leur restait plutôt favorable, et il le montra en enlevant aux Allemands la majorité qu'ils avaient eue jusqu'alors dans le conseil de la vieille ville de Prague. Huss, qui, sur la demande du roi, avait quitté la capitale pendant quelques mois, y rentra en triomphateur. Ses disciples redoublèrent d'audace. Jérôme de Prague porta jusqu'en Russie et en Pologne les opinions nouvelles. L'incendie ne se propagerait-il pas ? L'Allemagne grondait sourdement. Il parut que si l'on voulait empêcher la dissolution de l'Église, il fallait se hâter de reprendre l'œuvre à laquelle avait échoué le Concile de Pise. Seule une assemblée œcuménique aurait assez d'influence pour terminer le schisme et réprimer les abus. Venceslav s'était réconcilié avec son frère Sigismond, qui avait été élu roi des Romains. Sigismond obtint de Jean XXIII la convocation d'un concile général à Constance. Supplice de Huss et de Jérôme de Prague. Forcé de recourir contre Jean XXIII à des rigueurs dont le caractère révolutionnaire était évident, les pères du concile n'entendaient pas que l'on s'autorisât de leur exemple pour se révolter contre l'Église. Huss était arrivé à Constance sur la promesse de Sigismond qu'il pourrait librement défendre sa cause. Il ne se dissimulait pas les périls qu'il courait, mais il n'avait jamais calculé le danger quand il s'agissait de confesser sa foi. Et il espérait convaincre le concile tout entier. Il avait été précédé de ses anciens adversaires de Prague, fort influents, et dont les dépositions étaient d'autant plus redoutables que les juges, ne connaissant pas le slave, étaient hors d'état de les contrôler. Les Anglais lui reprochaient d'avoir compromis l'université d'Oxford. Les Allemands ne lui pardonnaient pas leur défaite de 1409 et les Français, presque tous nominalistes, étaient convaincus que les doctrines réalistes qu'ils professaient entraînaient fatalement des conclusions hérétiques. Les ennemis de Huss prétendirent qu'il avait voulu s'enfuir et le firent jeter en prison. Les protestations de Sigismond, qui essaya de faire respecter le sauf-conduit accordé à Jean Huss, se bornèrent bientôt à solliciter pour lui une discussion publique. Le procès avait été instruit à huis clos. On refusa à l'accusé un avocat, on lui contesta même le droit de discuter les témoignages. La condamnation était résolue d'avance. Les nouvelles de Bohême où l'agitation continuait et où un des disciples de Huss commençait à distribuer aux laïcs la communion sous les deux espèces poussaient les plus modérés aux mesures de rigueur. Le nœud du débat était la doctrine du maître Bohême sur la puissance pontificale et l'autorité de la tradition. Huss protesta contre toute pensée de révolte, mais refusa de rétracter ses erreurs tant qu'on ne les aurait pas démontrées par l'Écriture. Deux principes étaient en présence, l'autorité ecclésiastique et la libre recherche. En admettant d'autres juges que l'Évangile, Huss, bien que sur tous les points de dogme il ne se séparât pas de la doctrine officielle, se mettait bien nettement hors de l'Église et les protestants ont le droit de vénérer en lui un des précurseurs de la Réforme. Supplications et menaces, tous les efforts se brisèrent contre son inflexible humilité. Le 6 juillet 1415, il fut amené devant le concile pour y entendre sa condamnation et fut livré aussitôt aux bras séculiers. On avait choisi pour lieu du supplice une prairie entre le mur de la ville et le fossé. Le maréchal de l'Empire, le seigneur de Pappenheim, lui demanda encore une fois s'il voulait abjurer. Il refusa. Il n'avait pas cessé de prier. Il fut attaché à un poteau par les mains et par le cou. Il avait les pieds sur un fagot et on entassa autour de lui du bois et de la paille. La légende raconte qu'une vieille femme vint ajouter au bûcher un fagot. « Sancta simplicitas », aurait murmuré doucement le réformateur. Quand on alluma le bûcher, il entonna un cantique. Mais la flamme, poussé par le vent, le frappa au visage. On le vit remuer encore quelque temps les lèvres. Ses cendres furent jetées dans le Rhin. Les supplices des hérétiques à cette époque n'étaient pas chose rare, et les pères crurent remplir leur devoir en frappant sans pitié l'audacieux dont l'entêtement menaçait l'unité chrétienne. Mais les partisans de Huss leur reprochèrent, non sans quelque apparence de raison, d'avoir écouté des rancunes particulières plutôt que la vérité et la justice. L'instruction du procès avait été incomplète et partiale. La discussion tumultueuse et écourtée, les griefs qui servirent de base à la sentence n'étaient ni prouvés ni même tous sérieux. La colère des bohèmes se porta surtout sur Sigismond. Bien que l'on ait contesté le sens de son sauf-conduit, il n'en reste pas moins incontestable que Huss était parti sur la foi de ses promesses. Et non seulement il n'avait pas su faire respecter sa parole, mais il avait excité contre lui la sévérité de l'assemblée. Les Tchèques ne pardonnèrent pas au prince qui avait voulu flétrir devant l'Europe chrétienne son frère et son peuple. Jérôme de Prague était venu rejoindre Huss à Constance. Ses amis le décidèrent à quitter la ville, mais il fut arrêté à Hirschau et son procès commença. Jérôme avait plus d'audace que Huss, mais moins de fermeté, et avec une intelligence plus ouverte et une imagination plus vive, des idées plus flottantes. Affaibli par les privations, énervé par la captivité, assailli d'incertitudes et de doutes, il abjura solennellement ses erreurs. Ses ennemis ne voulaient pas laisser échapper leur proie et ils obtinrent qu'on ouvrît un second procès. Jérôme se repentait déjà de sa faiblesse. Devant le péril immédiat, il retrouva son courage. « De tous les péchés qui pèsent sur moi, dit-il au concile, aucun n'est plus lourd à mon âme que celui que j'ai commis ici même en approuvant l'injuste sentence rendue contre Wycliffe et contre Jean Huss, le saint martyr, mon ami et mon maître. » Le 20 mai 1416, déclaré hérétique et relapse, il fut brûlé. « J'avoue, écrivait Poggio dans une lettre célèbre, que je n'ai vu personne qui, dans une plaidoirie capitale, se soit rapproché davantage de cette éloquence des anciens que nous admirons tant. Il faut déplorer qu'un esprit si élevé et si remarquable se soit consacré à la défense de l'hérésie, si du moins les accusations dont on l'accable sont fondées. Huss et Jérôme, écrit Aeneas Sylvius, ont supporté fièrement la mort et ont marché au supplice comme à un festin où on les aurait invités. À toutes les époques, des martyrs ont scellé leurs croyances de leur sang. Mais ce qui constitue ici un symptôme grave, c'est l'admiration dont ne peuvent se défendre les indifférents. La loi de sang qui frappait les maîtres de Prague n'était plus dès lors acceptée sans une sourde protestation. Le Moyen-Âge se survivait et la conscience humaine se sentait pour la première fois atteinte par des exécutions qu'avait jusqu'alors approuvé la piété soumise des fidèles. C'est pour cela que le supplice de Huss et de Jérôme de Prague est une grande date de l'histoire. La Bohême se sépare de l'Église. Fin du règne de Venceslav. Le concile avait cru en finir d'un seul coup avec l'hérésie en condamnant ses principaux chefs. Un peuple se leva pour les venger. Les Tchèques virent dans le supplice de Huss une injure jetée à la face de leur race. Les questions religieuses et nationales, déjà si étroitement liées pendant les luttes à l'université, se confondirent. En combattant pour la réforme de l'Église, les Tchèques combattirent aussi pour la gloire de la langue slave. Partout, les prêtres hostiles aux idées nouvelles furent chassés, les domaines ecclésiastiques envahis. L'immense majorité des nobles protesta contre l'iniquité du concile et s'engagea à défendre la liberté de la parole de Dieu. Pour la première fois, un peuple entier dénonçait le pacte qui le liait à l'Église romaine et exprimait la volonté de prendre en main les intérêts religieux et moraux dont il lui avait jusqu'alors remis la garde. L'Église ne pouvait pas consentir à cette sécession. L'idée catholique était encore assez vivace pour susciter bien des dévouements, surtout si au fanatisme se mêlaient les haines inexpiables qui ont si souvent jeté l'une sur l'autre les races slaves et germaniques. Les premières tentatives d'intervention violente furent paralysées par l'inertie de Venceslav, qui avait vivement blessé le supplice de Huss et qui ne se souciait pas, pour plaire à Sigismond, de s'aliéner ses sujets. Pendant que les décrets du concile de Constance se succédaient sans effet, l'opposition s'enhardissait et s'organisait en bohème. Elle avait son programme, la réforme de l'Église et la liberté de la parole de Dieu, son conseil spirituel, l'université. Ses chefs, les directeurs de la Ligue des Nobles. Elle eut son symbole dans le calice qui remplaça la croix sur les églises et conduisit au combat les soldats de la Révolution. Le nom leur en est resté. On les appela calixtins ou utraquistes. Quand Venceslas s'effraya des suites probables de sa rupture avec l'Église, il était trop tard pour enrayer le mouvement. Ses sévérités tardives accrurent la violence des passions que son indifférence avait laissé s'exaspérer peu à peu. Il interdit aux prêtres de distribuer le calice aux laïcs. Le peuple déserta les églises et se réunit au milieu des champs. Dans ces grandes assemblées, le fanatisme s'exaltait. Les orateurs s'abandonnaient à tout l'enthousiasme de leur foi et préparaient leurs auditeurs aux résolutions extrêmes. Quelques hommes, prévoyant le conflit prochain, travaillaient à donner à ces réunions la cohésion qui leur manquait et à faire de ces foules une armée. Déjà paraissaient les principaux chefs de la Révolution. Un moine prénommé Jean de Zélive, qui s'était échappé de son couvent, éloquent, très populaire, sans scrupules, sans crainte. Deux chevaliers qui avaient jadis joui de la confiance du roi, maintenant séparés de lui, Nicolas de Hus et le chevalier de Strotnov, si célèbre plus tard sous le nom de Ziska. Le 30 juillet 1419, Jean de Zélive organisa à Prague une immense procession et se rendit au conseil de la nouvelle ville pour demander aux magistrats la liberté de quelques personnes arrêtées à cause de leurs opinions religieuses. Les conseillers refusèrent de relâcher les accusés et une pierre fut, dit-on, lancée contre Jean qui portait le calice. La foule furieuse se rua sur l'hôtel de ville, enfonça les portes et jeta par la fenêtre les conseillers qui lui tombèrent sous la main. Cette défenestration est le début des guerres hussites qui allaient, pendant près de 20 ans, couvrir de meurtres et de ruines la Bohême et une grande partie de l'Allemagne. La Bohême est Sigismond, Calixtin et Taborite. À la nouvelle de l'émeute du 30 juillet, Venceslas fut pris d'un tel accès de colère qu'il en eut un coup d'apoplexie. Moins d'un mois après, il mourait. 16 août 1419. Son frère Sigismond était son héritier. Ses droits étaient incontestables, mais les Tchèques repoussèrent l'autorité du prince qui avait violé sa parole. La raideur de son attitude éloigna de lui tous ceux qui ne voulaient pas se livrer au concile pieds et poings liés, et ses tergiversations permirent à la révolte de s'organiser. Quand il parut enfin, il trouva devant lui non seulement un peuple fanatique, mais des forces organisées et dont l'enthousiasme était soutenu et conduit par de vrais chefs de guerre. Il échoua au siège de Prague, fut battu 2 fois par les insurgés, 1420. Sa retraite livra le royaume tout entier à la révolte. Les catholiques purs, partisans de la soumission sans réserve à l'autorité régulière, étaient relativement peu nombreux, mais leur résistance n'en était pas moins redoutable. Ils comptaient dans leur rang quelques-unes des plus illustres familles de la Bohême, entre autres les Rosenberg, dont les domaines occupaient presque tout le sud du royaume. De plus, la couleur démocratique et slave de l'insurrection avait étroitement rattaché à Sigismond et à l'Église la bourgeoisie allemande, menacée dans ses privilèges et bientôt dans ses propriétés. Elle était maîtresse de la plupart des cités royales et il fallut les conquérir l'une après l'autre, quelques-unes, Flen, Pilsen, Budjewice, Budweis, Eger, bravèrent jusqu'à la fin les bandes hussites et restèrent comme autant de points d'appui pour les invasions étrangères. Elles auraient probablement succombé si les insurgés n'avaient été affaiblis dès le premier jour par les dissensions intestines qui accompagnent nécessairement toutes les grandes secousses révolutionnaires. L'Église confondait dans ses anathèmes tous ceux qui avaient protesté contre la condamnation de Hus, et cela s'explique puisqu'en contestant son infaillibilité en matière de foi, il sapait le fondement même de sa puissance. « N'est-il pas étrange, disaient les Pragois aux catholiques, qu'on veuille mettre les décisions du Concile au-dessus des ordres du Christ et que vous entendiez vous rattacher à l'Église faillible plutôt qu'à la raison qui est plus ferme et plus sage que tous les docteurs du monde. » Les Hussites, partis d'un principe commun, résumaient toutes leurs revendications dans les 4 articles de Prague, par lesquels ils réclamaient la libre prédication de la parole de Dieu, la communion utraquiste, le retour de l'Église à la pureté évangélique par la suppression des biens du clergé et la punition des péchés publics. Mais cette unité de programme cachait les plus profondes divergences. Dès la première heure, deux grands partis s'étaient constitués, radicaux et modérés, tandis que ceux-là, développant les quatre articles avec une singulière hardiesse, arrivaient presque au protestantisme, ceux-ci les atténuaient, prétendaient ne pas se séparer du catholicisme. Les uns conservaient les traditions et les cérémonies romaines, les autres les rejetaient comme des inventions humaines et dangereuses, n'admettaient d'autres sacrements que le baptême et l'Eucharistie, transformaient la messe qu'ils célébraient en tchèque, reconnaissaient à tous les laïcs le droit de prêcher et d'interpréter l'Évangile. Les modérés que l'on désignait sous le nom d'utraquistes et de calixtins, parce que leur désir essentiel se bornait à la communion sous les deux espèces, ou de Pragois, parce que Prague fut en général leur capitale, étaient surtout préoccupés de s'écarter aussi peu que possible de la tradition. Ils ne niaient en principe ni les droits de l'Église, ni ceux de Sigismond, se recrutant en majorité par les docteurs de l'université, les bourgeois et les seigneurs, ils acceptaient la constitution de la société telle qu'elle s'était formée au Moyen-Âge et proclamaient la nécessité des privilèges féodaux et de la hiérarchie. Les radicaux entendaient au contraire établir un monde nouveau sur les ruines de l'ancien ordre social. Comme les puritains d'Angleterre, qu'ils rappellent si souvent par leur enthousiasme cruel et sombre, par leur ascétisme et leur foi, ils empruntaient à l'Ancien Testament un programme de démocratie et de nivellement. Les plus conséquents et les plus hardis en arrivèrent à prêcher la suppression de la propriété et de la famille, rêvèrent d'une égalité absolue et le retour à la vie paradisiaque. Les chefs reconnurent bientôt le danger de ces théories et frappèrent sans pitié leurs représentants. Les adamites et les nicolaïtes disparurent rapidement. Mais leurs doctrines survécurent, adoucies et mitigées. Les radicaux ne demandèrent plus l'abolition de la propriété, mais en poursuivirent l'affranchissement. Ils contestèrent la légitimité des privilèges du rang et de la naissance. Les idées démocratiques qui avaient agité l'Europe presque entière pendant les 50 dernières années reparaissaient en Bohême, sanctifiées par les doctrines religieuses et fortifiées par les anciennes traditions slaves. Elles furent accueillies avec enthousiasme par la masse des paysans qui supportaient avec d'autant plus d'impatience les récents empiétements de leurs maîtres que cette servitude nouvelle n'était pas encore consacrée par la tradition et qu'elle se confondait pour eux avec la domination d'une race étrangère. Ils trouvèrent des alliés et des chefs dans la petite noblesse ou les chevaliers qui irritaient les prétentions des grandes familles. Ils eurent pour capitale Tabor, qui, ainsi que l'indique son nom, ne fut d'abord qu'un camp où s'étaient réunis tous ceux qui étaient prêts à accepter la lutte jusqu'au bout. Les Taborites, plus convaincus et moins timorés que les Pragois, portèrent le principal poids de la résistance, furent les plus héroïques défenseurs de l'indépendance nationale et les plus farouches représentants de la réforme. Résumant en eux les aspirations diverses qui se mêlaient dans l'insurrection, ils la protégèrent contre toutes les attaques en même temps qu'ils la compromirent par leurs imprudences et leurs cruautés. Ces fanatiques avaient certainement en eux la plus large part d'avenir, mais ils étaient trop en avant de leur époque et ils étaient condamnés à disparaître. Après avoir pendant longtemps balancé la force du monde chrétien, ils furent balayés par la coalition de tous ceux qui avaient intérêt à défendre contre eux la tradition et le passé. Fin de la section 57, lue par Christine.